ici avec une poupée comme moi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux mon âme, mon corps, mon esprit et tout mon charme? Qu'est-ce que tu veux? Sweet love tabou, mon numéro, triple X rendez-vous. Qu'est-ce que tu veux? Que je bouge comme ça, mes fesses comme ça?